الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le sens des versets: ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa et de Mariam parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam muslim dans la version de Abi Hurairah radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu: celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change de sa main. S'il ne le peut, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il ne le peut, par son cœur. Et ceci est le plus bas degré dans les actes de la foi. Et croit-il que là vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe actuellement au Yémen, où des exactions sont perpétrées par un groupe de chiites de la tribu de l'Houthi qui tue des gens innocents, femmes et enfants, sans faire de distinction. Ces gens-là sont poussés par les chiites d'Iran et de Liban et d'autres, et tout cela forme une seule et même coalition. Alors, il faut savoir que les chiites ou rawafid ont été, à travers l'histoire, les plus grands ennemis des gens de la sunna. Comme l'a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyata, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas un ennemi plus acharné que les rawafid et les chiites sur les gens de la sunna. Et à cet effet, ils sont plus dangereux que les juifs et les chrétiens pour la communauté et pour l'islam. Parmi les choses répréhensibles que l'on voit à notre époque, il y a cette fitna. Cette fitna qu'ils ont mis en place. Ces troubles qu'ils ont occasionnés. Ceci est préjudiciable pour la foi et pour la religion. D'ailleurs, les chiites éduquent leurs enfants, appellent leurs partisans à appeler à leur religion et à la propager dans tous les endroits de la terre. Certains naïfs et certains stupides parmi les sunnites pensent qu'il y a un effort à faire dans le rapprochement entre les sunnites et les chiites, pensant que les divergences qu'il y a entre eux et eux sont des divergences d'ordre secondaire, sur lesquelles on peut fermer les yeux, alors que les divergences en réalité sont des divergences qui portent sur les fondements de la religion et qui portent sur le dogme de cette religion. Car certes, les rawafid et les chiites ont des croyances relatives au polythéisme et à la mécréance, comme nous allons le voir, inshallah tabaraka wa ta'ala, qui font sortir de l'islam toute personne qui y croit ou toute personne qui les commet. Malheureusement, beaucoup de sunnites ne connaissent pas ces choses-là, car les savants chiites ne propagent pas leurs livres où sont consignées toutes ces croyances et toutes ces hérésies. Voici quelques croyances fausses et dangereuses que l'on peut retrouver dans leurs livres. Ceci en grand résumé. Premièrement, leur croyance vis-à-vis des 12 imams. Vous n'êtes pas sans savoir que les chiites ont une croyance sur les 12 imams de la descendance de l'Hussein. Et ils ont une croyance sur ces imams qui les fait sortir de l'islam. Parmi les croyances qu'ils ont sur leurs imams, ils les déclarent infaillibles. Infaillibles de toute erreur. Ils disent qu'ils connaissent l'invisible avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ils disent qu'ils dirigent l'univers et tous les atomes de cet univers avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez ce qu'a rapporté le Kulayni. Le Kulayni est un savant du 3e siècle de l'Égypte, un contemporain de l'imam Ahmed, qui est une référence chez les gens du chiisme. Il dit dans son livre Usul al-Kafi, qui est un livre de référence chez eux: les imams, lorsqu'ils veulent savoir, ils savent. Et ils savent le moment de leur mort. Et ils ne meurent que si ils ont décidé de mourir. Deuxièmement, leur croyance concernant le Coran. Les rawafid disent: le Coran que l'on a entre nos mains n'est pas celui qui a été révélé sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a été changé, falsifié, altéré. On y a rajouté des choses et on en a diminué des choses. La plupart de leurs savants croient que le Coran est falsifié. Al-Kulayni a dit dans Usul al-Kafi, ce livre de référence chez eux, qui a la même valeur pour eux que pour nous, Sahih al-Bukhari. Il dit: le Coran avec lequel est venu Jibril à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se compose de 17 000 versets. Que signifie cette parole? Cette parole signifie que plus de la moitié du Coran a été cachée ou falsifiée, puisque le Coran comprend à peu près 6 000 versets, celui que l'on a entre nos mains actuellement. Et celui dont Allah s'est porté garant, ce Coran de 6000 versets que l'on a entre les mains, c'est celui-là même qu'Allah s'est porté garant de le préserver et de le protéger. Allah dit tabaraka wa ta'ala: c'est nous qui fîmes descendre le rappel et c'est nous qui le protégerons et le préserverons. Troisièmement, leur exégèse du Coran, leur explication du Coran. Ils expliquent le Coran selon leurs convictions et selon leurs croyances, comme n'importe quel secte d'ailleurs. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, écoutez bien ce qu'ils disent: Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. As-Safi, un de leurs imams, a dit dans l'explication de ce verset coranique, c'est-à-dire, Allah ne pardonne pas à celui qui rejette le califat de Ali sur celui d'Abu Bakr et Omar et Othman. Et quant à la parole, mais il pardonne en deçà à qui il veut, c'est-à-dire celui qui s'allie à Ali. Tout tourne autour de l'Wilaya. Quatrièmement, leur croyance vis-à-vis des compagnons. Hadith wa la haraj. Leur croyance sur les compagnons et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que insulte, accusation, accusation de mécréance, calomnie, diffamation. Ils considèrent que l'ensemble des compagnons sont mécréants et ont apostasié de leur religion, sauf trois, mis à part la famille du prophète. Al-Kulayni a dit dans son livre Usul al-Kafi ce qui suit. Les gens ont tous apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf trois. Alors on lui a posé la question, quels sont les trois qui n'ont pas apostasié? Et lui de répondre, Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Abu Dharr ibn al-Ghifari, radiallahu anhu. Wa Salman al-Farisi. Où sont les autres? Où est Abu Bakr? Où est Omar? Où est Othman? Où sont les dix élus du paradis? Où est Saïd ibn Zayd? Où est Talha ibn Abidillah? Pour eux, tout cela sont des kuffars, mortadoum. Sachez-le, mes frères, barakallahu fikum. Et ceci est textuellement écrit dans leur livre. Voilà la réalité des chiites et des rawafides qui essaient de nous enjoliver les choses, pensant que il y a une possibilité de rapprochement entre nous et eux. Abdullah ibn Muhammad al-Qahtani, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, al-Andalusi, d'Andalousie, ce grand savant de la Sunna, a dit dans ses quelques vers de poème, lorsqu'il décrit les Rawafid, certes les Rawafid sont les pires des gens à avoir foulé la surface de cette terre, parmi tout homme doué de parole ainsi que tout djinn. Ils ont vanté le prophète et ils ont trahi ses compagnons et les ont accusés d'injustice et de transgression. Ils prétendent aimer ses proches et insultent ses compagnons. Deux choses auprès d'Allah qui s'opposent et se contredisent. Leur croyance vis-à-vis des gens de la Sunna. Ils considèrent que le sang des gens de la Sunna et leurs biens sont licites. Dans le livre Anwar al-Nu'maniya de Ni'matullah al-Jazairi, un savant chiite, qu'Allah lui donne ce qu'il mérite. Regardez ce qu'il écrit. L'auteur de ce livre a dit, les sunnites sont des mécréants impurs. Ceci à l'unanimité des savants imamites chiites. Et ils sont pires que les juifs et les chrétiens. J'invente rien, mes frères. Il suffit de revenir vers leur livre, vous lisez toutes ces phrases-là de vos propres yeux pour vous rendre compte de la réalité de leur croyance. Il dit aussi, le Nasibi, Al-Nasiba ou Al-Nawasib pour les chiites, ce sont les gens de la Sunna. Ce sont ceux, soi-disant, qui ont montré et dressé l'animosité envers la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, le Nasibi, c'est-à-dire les gens de la Sunna, son sang est licite. Ils conseillent même et orientent les gens, leurs partisans, à tuer les gens de la Sunna. Soit par la noyade, soit par l'effondrement d'un mur sur eux, ou par tout autre moyen caché et dissimulé, afin qu'ils ne soient pas vus en train de commettre ces exactions. Sur la base de ceci, nous vous enjoignons à prendre garde de cet ennemi acharné qui ne recherche que l'effusion de votre sang, le meurtre de vos enfants, la pudeur de vos femmes, l'extinction de votre croyance, la disparition de vos rites et lieux sacrés, comme l'a clairement exprimé Al-Khomeini dans son livre. Prenez garde, ô musulmans, de ces ânes, Himar, Hamir al-Rawafid, qui viennent vers vous prétextant être vos alliés, alors qu'ils sont les pires de vos ennemis. Ne vous alliez pas avec les ennemis des compagnons de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ne vous alliez pas avec ceux qui insultent les femmes de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. As-Allah tabaraka wa ta'ala an yuriyana al-haqqa haqqa, wa an yarzuqana al-tiba'a, wa an yuriyana al-batila batilan, wa an yarzuqana al-ajtinaba. Allahumma ahlikhum, Allahumma ahlik al-rawafida wa al-shi'a, في كل مكان وفي كل زمان اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم في حلوقهم أنت الولي بذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليكم إلى صلاتكم